Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, la cigale grise. Voilà le paysage sonore de l'été par excellence. Lorsque la cigale grise chante, on l'associe à la pinède, aux oliviers, à la chaleur. En France, il existe une vingtaine d'espèces de cigales, mais dans le sud du pays, celle que l'on connaît le plus, c'est elle, la cicada orni, pour utiliser son nom latin, appelée aussi cigale grise. De fait, cet insecte de 3 à 4 cm est un peu terne, de ce gris qui lui permet de se fondre dans le décor, notamment sur l'écorce des arbres. Mâles et femelles se ressemblent avec leurs grands yeux marrons, leurs ailes transparentes, nervurées, tachetées de 11 points noirs. Discrètes dans leur apparence, on les entend plus qu'on ne les voit. Les cigales grises chantent en groupe, entre mâles. Elles peuvent être plusieurs dizaines, des centaines, voire des milliers à chanter en chœur. Souvent parfaitement synchrone, les mâles appellent, sur le même rythme, les femelles à leur rendre visite. On évitera de déranger ces insectes quand ils chantent en groupe, car sous l'effet de la surprise, ils s'envolent en arrosant l'intrus d'un jet d'urine. Les spécialistes de la cigale en savent quelque chose, tout comme Guillaume Apollinaire qui, dans son calligramme, aussi bien que les cigales, écrit « Gens du Midi, il faut creuser, voir, boire, pisser aussi bien que les cigales pour chanter comme elles, la joie adorable de la paix solaire. » Pour réussir à produire un son qui dépasse les 80 décibels, la cigale mâle est bien dotée. Logée de chaque côté dans son abdomen, elle possède des cymbales, sortes de ballons de rugby miniatures comportant de petites baguettes rigides qui, une fois contractées, se déforment et produisent alors des clics. Le son, amplifié par l'abdomen quasiment vide, parfaite caisse de résonance, ressort par les oreilles de la bête. Pour éviter que les mâles ne deviennent sourds, leurs tympans se plissent afin de se protéger contre l'intensité de cette puissance sonore. Voilà donc un chant d'appel sexuel que les femelles écoutent, évaluent avant de se déplacer pour se reproduire. Le tout sur une très courte période, car la cigale a une durée de vie de 3 semaines. Contrairement à ce que La Fontaine a pu écrire, elle meurt à la fin de l'été et ne put donc crier famine quand la bise fut venue. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnet avec la complicité de Jérôme Sueur et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.